car l'Éternel est bon et sa bonté dura toujours et sa fidélité à jamais. L'Éternel est bon, car l'Éternel est bon, et sa bonté dura toujours, et sa fidélité à jamais.